بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثالث إن شاء الله في وصايا عامة للشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ حفظه الله تعالى. C'est notre troisième cours autour de ses conseils généraux dans cette conférence de Cheikh Salih ibn Abdel Aziz al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. Nous avons vu le premier conseil, que c'était taqwa, et les degrés d'yel taqwa, qui sont de 3 degrés. Nous avons vu que le deuxième conseil, c'était le fait de méditer dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le troisième conseil, c'est le fait d'avoir son cœur ouvert pour l'islam, ouvert pour le bien, et que l'ouverture des cœurs et des poitrines se fait des fois pour le mal, se fait pour le mal et pour le bien. Hein? Et donc, فوقفنا عند قوله حفظه الله تعالى والواجب على العبد أن يسعى لا ينشرح صدره بالباطل. وكيف ينشرح الصدر بالباطل؟ بأن يتساهل شيئا فشيئا، فإذا تساهل أحدث. Il dit, حفظه الله تعالى, il est obligatoire pour le serviteur d'Allah qu'il fasse attention que son cœur ne s'ouvre pas pour le faux et pour le mal. Et comment le cœur s'ouvre pour le faux et pour le mal? C'est-à-dire qu'il néglige les situations. Il dit ça, c'est rien du tout. Ce n'est pas grave. Et une fois qu'il dit d'un mal que ce n'est pas grave, petit à petit il dit ça, c'est pas grave, ça c'est pas... Après il lui arrive quoi? Il le fait, il tombe dedans. Donc il ne faut pas prendre les choses à la légère. Prendre le mal à la légère, après on tombe dedans. Hein? Ça c'est rien. Hein? Ce n'est juste un petit plaisir. Après tu te retrouves avec un grand plaisir à la fin. Un grand plaisir, hein, et une grande catastrophe que tu ne peux pas. Après tu vas te mordre les doigts tout le temps. Le fait, hein, pour les jeunes. Ce n'est qu'un petit flirt. Ce ne sont que des petites paroles, une petite balade sur la mer. Et après, ça passe où? Le ballon est gonflé, vas-y, t'as mort, tais-toi les doigts. Tu es, hein, t'as un bâtard, c'est un enfant illégitime, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Après, tu cherches. Où est le problème? Le hic. Parce que, où est le hic? On n'a pas pris les choses au sérieux. Le mal, bon, c'est rien. C'est pas grave. Ce n'est que mon ancienne copine de classe. Ma petite cousine. Hein? Puis juste une petite balade avec, sans rien. Et après, Shaitan vient. Et après, on tombe dans ce qui n'est pas louable. Et après, on se mord les doigts. Hein? Donc, avant que je me mord les doigts, avant que je tombe dans les situations que Allah subhanahu wa ta'ala m'a interdit, et avant de transgresser les lois de Allah subhanahu wa ta'ala, je dois faire attention à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala t'a doté d'un discernement, il t'a doué d'une raison. Et tu as la révélation avec toi, tu as le Coran, tu as la Sunna, tu sais ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, ce qu'il t'a ordonné de faire. Donc tu étais loin de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Hein? Parce que si tu t'approches, le fait de s'approcher petit à petit, hein, ça va devenir minime. C'est rien du tout. Hein? Et des fois, ça peut aller très loin. Certains, Et c'est une histoire qui est vécue dans le Nord, malheureusement. Là, il est venu quelqu'un où lui-même est passé, à l'époque où il y avait encore, où se faisait les locations de cassettes vidéo. Et il a ramené une cassette d'El Khmaj. Ça l'a chauffé. Il était que lui et sa sœur dans la maison. Je ne vous compte pas la suite après. Et sa sœur est tombée enceinte. Pas se rapprocher du mal, croire que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis du mal, et c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, et les châtiments et les avertissements dans le Coran sont énormes, et dans la Sunna sont énormes, c'est parce qu'il y a notre perte dedans. Il ne faut pas être négligent. Et dire non, ce n'est rien. Ce n'est qu'une petite cada. Mais la petite cada devient une montagne après. La petite goutte d'eau, après, elle déborde. Et c'est autre chose. Donc, il faut faire très attention. On ne prend pas les choses à la légère. قول الشيخ كذلك في المقابل في الجهات الأخرى انشراح الصدر بالحق. Et de l'autre côté, il faut que le cœur soit ouvert pour la vérité et pour le bien. Hada, il faut accourir, ouvrir son cœur, accepter la vérité, ouvrir son cœur pour le vrai, pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. قال جل وعلا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه إن انشراح الصدر بالإسلام بأوامر الإسلام يكون أول الدرجات بقبوله وبمحبته حتى ولو لم يعمله العبد. Et il est dit dans le verset, celui qui a ouvert sa poitrine pour l'islam, celui-là il est dans une lumière من الله عز وجل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala la met dans une situation claire. Sa situation est claire. À tous les niveaux. Parce qu'il est donc, il est ouvert, son cœur s'est ouvert à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ouvert à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ouvert au bien. Donc, sa situation ne peut être que bien. Il ne peut être que dans une clarté dans sa vie. Parce que l'ouverture du cœur pour l'islam, c'est l'ouverture pour les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier degré. L'ouverture du cœur pour l'islam, pour la soumission, c'est l'ouverture à accepter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et accepter à être obéissant à Allah, être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et accepter l'islam, et aimer l'islam, même... Le premier degré, c'est accepter l'islam. Même si des fois le serviteur n'arrive pas à mettre cette chose en application, mais il accepte et il aime, c'est déjà une bonne ouverture contre celui qui n'accepte pas. Il y a une grande différence. Déjà, il a franchi un pas vers le bien. Et ce pas qu'il a franchi, il est évident que ça va le pousser encore plus, Inch'Allah, bidnillah azza wa jalla. فإن العباد قد لا يعملون بكل ما أمروا به. Car les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'ils ne peuvent pas accomplir tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. C'est normal. Parce que on est faible. Tout mettre en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. لكن الواجب عليهم أن تنشرح صدورهم للحق. Mais ce qui est obligatoire pour nous, c'est que nos cœurs s'ouvrent pour la vérité. تنشرح صدورهم لأمر الله فإن هذا يعقبهم خيرا. Et il faut que nos cœurs et les cœurs des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ouvrent pour les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils ont du coup un grand bien après ce qui va suivre. Une fois que le cœur s'est ouvert pour les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va suivre un énorme bien après. وإن العبد يهم بالحسنة فلا يعملها فتكتب له حسنة. Et tu imagines le bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala, que le serviteur de Allah subhanahu wa ta'ala a envie de faire une bonne œuvre, mais il ne la fait pas. Pour X raison. Et c'est écrit pour lui une hasana. La récompense est écrite pour lui. Regarde, juste le fait de vouloir le bien, même il ne l'a pas accompli. Et ce vouloir du bien, il est venu de quoi? Il est venu déjà parce que son cœur est ouvert pour le bien. Et il a accepté le bien et il aime le bien. D'accord? Donc, وهذا من رحمة الله عز وجل بالعبد. Ça, c'est une des grandes clémences d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. لكن انشراح الصدر بالحق, انشراح الصدر بأنواع الهدى بأمور الإسلام, هذا يسبب لك أنواع من القرب للخير. Et le fait que le cœur soit ouvert pour la vérité, le fait que le cœur soit ouvert pour les chemins du bien, il y a beaucoup de chemins du bien, ça ne veut pas dire que dans le chemin il y a plein, hein, la vérité il est unique, mais il y a plein de chemins du bien, c'est-à-dire dans la prière t'as les surrogatoires, t'as les jeûnes surrogatoires, t'as les, hein, dans les aumônes, etc. Et ça, tout ça, ce sont des chemins du bien, hein, mais qui découlent d'un même chemin qui est la voie sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ne veut. Il n'y a pas plusieurs chemins, d'accord ? Mais les chemins du bien et les moyens pour accomplir le bien sont nombreux dans la religion. Hein? Et cela, quand ton cœur s'ouvre pour la vérité, ça te pousse à te rapprocher du bien et à essayer d'acquérir le bien et de l'accomplir. فأمور الإسلام وشعب الإسلام كثيرة. Et les ordres qu'il y a dans l'islam sont nombreux. Et les branches qui t'amènent vers le bien dans l'islam sont nombreux. Il découle du sirat al-mustaqim, mais il y a plein de branches, hein, qui te permettent d'accomplir, hein, ce sirat al-mustaqim. فإذا شرح الله صدرك للإسلام فإنك تقبل على روضات وجنات. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ton cœur pour l'islam. Hein, tu vas vers la rencontre de grands jardins et de grands délices. Hein? قال سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. Et il est dit dans le verset, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut la guider, il ouvre son cœur pour l'islam. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il soit égaré, fait que sa poitrine soit fermée, hein, à l'islam et à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. إذن فانشراح الصدر بالباطل هذا وسيلة إلى غشيان الباطل. فالواجب على العبد أن يحاسب نفسه ولا يجد من نفسه انشراحا لنوع من أنواع الباطل. وإنه لو تساهل Donc, l'ouverture des cœurs vers le faux, ça c'est un moyen pour tomber dans le faux et tomber dans le blâmable. Quand le cœur accepte le faux, le mal, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun doute que la personne va tomber dans son mal et va accomplir le mal. Et donc, il est obligatoire pour les serviteurs de Allah subhanahu wa ta'ala de faire des comptes avec lui-même, de s'auto-observer et de faire les comptes avec soi-même. Et quand il voit que son cœur est ouvert à des formes du mal, hein, il faut qu'il remédie à ça. Hein. Parce que s'il prend les choses à la légère, c'est lui qui a été injuste avec lui-même. C'est la personne qui doit faire des comptes avec lui-même. S'il voit que son cœur et son esprit acceptent le mal, etc., hein, il va être injuste avec lui-même. Et donc, s'il fait le compte avec lui-même, il voit que la situation est ainsi, il faut qu'il remédie à ça, qu'il se ressaisisse, qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il fasse le bien. كذلك إذا رأى العبد نوعا من أنواع الخير فأول الدرجات أن ينشرح صدره لذلك الخير لما جاء من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب ذلك ويحب من عمل به حتى ولو لم يعمل به. فإن انشراح الصدر بذلك وعدم حرج الصدر مما أنزل الله عز وجل فإنه نوع من أنواع العبادة وسبب من أسباب الهدى والفلاح. Aussi, frère en Allah عز وجل, quand l'être humain voit une forme du bien, le premier degré qu'il doit sentir en lui, c'est d'aimer cette chose et que son cœur s'ouvre pour ce bien, qu'il l'accepte. Il accepte les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il accepte cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que son cœur accepte, il ne rejette pas cet ordre d'Allah azza wa jalla. Et qu'il aime cet acte. Et il aime l'accomplir. Et il aime ceux qui l'ont accompli. Même si lui, il ne l'a pas accompli. Il aime ceux qui l'ont accompli. Et il aime cet acte. Car le fait que le cœur s'ouvre ainsi, et qu'il n'y a pas de gêne dans le cœur, il n'y a pas de rejet dans le cœur du bien, pour les choses que l'Allah a descendu à révéler, et ce qu'il a ordonné, ça, c'est une forme d'adoration. D'accord ? Et c'est un des moyens pour la guider, pour la réussite. Le fait d'aimer les ordres d'Allah, même si tu ne les mets pas en application, et le fait d'aimer le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moyen, c'est déjà un acte d'adoration, et c'est un moyen qui va t'amener vers la réussite. Hein? Et vers la guider, vers le fait d'accomplir. والوصية الرابعة avec le quatrième conseil c'est الجد وترك التسويف والأماني. Le quatrième conseil c'est le fait d'être ferme dans ce qu'on fait et de prendre les choses au sérieux, de ne pas repousser l'acte d'aujourd'hui de maintenant à demain, ce qu'on appelle تسويف, ouais, après. Malheureusement c'est ce qui arrive, hein? Beaucoup repoussent, ils sont dans تسويف et dans l'espoir, comme si il a la certitude qu'il va vivre je ne sais pas combien d'années. Alors qu'il ne sait pas si tout à l'heure il va faire salat al maghrib ou là, il ne va pas la faire. Et il repousse. Hein? L'acte de maintenant, de l'instant même, il le repousse. À quand ? Allahu ta'ala. Et quand il repousse l'acte de cet instant, sache qu'il va venir, il va encombrer le moment d'un autre acte qui doit se faire au moment où tu as repoussé cet acte, vers lequel tu as repoussé cet acte. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Il est évident qu'il y a un qui va être mis de côté. Hein? Il faut faire très attention à ce qu'il y a, il s'appelle en arabe, saoufa. Je vais faire. Hein, je crois que c'est, ça vous appelez ça le conditionnel, je ne sais pas quoi, comme temps. Je vais faire. C'est-à-dire, il repousse tout le temps. Repousser les choses. Après. Plus tard. Il repousse. Enfin, te suivre, il faut s'en éloigner. Ça, c'est un des grands conseils. Il faut prendre les choses au sérieux et être ferme. Hein? قال ابن القيم رحمه الله إن مفسدات القلوب خمسة كثرة المخالطة والأماني وفضول الكلام والشبع وكثرة النوم. الله المستعان. كم سيبن القيم في avec nous. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, cinq choses font très mal au cœur de l'être humain. Le fait de chercher beaucoup de connaissances, et il fait des connaissances. Il se rencontre avec n'importe qui. Il se réunit avec n'importe qui. Hein? L'amani, le fait de tout projeter dans le futur. Avoir l'espoir en Allah, ça c'est une chose. Avoir l'espoir en la récompense en Allah, Azza wa Jal. Mais l'amani ici, c'est les choses que tu veux faire maintenant, que tu dois faire maintenant. Tu repousses à plus tard. Hada l'amani qui est dangereux. Hein? Et l'amani, comme on dit certains, c'est le capital de ceux qui ont fait faillite. Le capital de ceux qui ont fait faillite. Donc celui qui a fait faillite, il a un capital. Ben la même chose, parce que le fait, tu as quelque chose qui est sûr maintenant, qui est ce moment. Tu peux accomplir, et toi, au lieu d'accomplir, tu repousses. Donc tu n'as rien gagné. Ton temps qui est ton capital, et le bénéfice qui va en découler, qui est cette bonne œuvre, ben tu as tout rejeté, donc tu as fait faillite. Donc c'est pour ça que les puiseurs d'Allah Alim, ils disent, l'amani, c'est le capital de ceux qui ont fait faillite. Donc il faut faire attention de ne pas être dans cette catégorie-là. Hein, et de ne pas faire faillite de son temps. Aussi, la troisième chose qui fait mal au cœur, hein, c'est les paroles juste pour parler, qui ne servent à rien. On palabre pour palabrer, pour passer le temps, juste du pipou, des paroles pour rien. Ils ont dit, nous avons dit, etc. Et puis c'est tout, dans n'importe quoi et dans des futilités. Hein, ça fait mal au cœur aussi. Et aussi le fait d'être rassasié tout le temps, se goinfrer. Parce que quand on est rassasié, on dort. Le sang s'alourdit et ça amène le sommeil. Et il en découle, le cinquième chose qui fait du mal au cœur de la personne, c'est le fait de passer son temps au sommeil. An-naoum, le sommeil. Les deux sont liés. Trop se goinfrer, hein, Alors, sallallahu alayhi wa sallam disait, nahnu qawmun la na'kulu hatta nashba. Nous sommes des gens qui ne mangent pas jusqu'à être rassasiés. Et il disait, salawatu alayhi wa sallam alayhi, quand l'être humain doit faire, il fait en sorte que quand il mange un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air. Un tiers pour l'air, un tiers pour la bouffe, pour l'eau. Voilà. Voilà. Là, je crois que c'est les trois tiers pour le tandoori, comme il dit l'autre. Hein? Et un autre tiers de plus pour la pizza, et un autre, je ne sais pas pourquoi, vas-y, hein? Et après, ça s'étonne que ça dort beaucoup. Je me sens fatigué. C'est normal. C'est un cercle vicieux. Tu manges beaucoup, le sang il est lourd, tu dors beaucoup. Il est évident que tu dors beaucoup, tu es fatigué, tu as la tête qui va mal. C'est un sacrifice. Ça amène à ça. Hein? Les idées sont brouillées. La fatigue et la sensation d'avoir mal à la tête. Parce que on n'est pas fait pour dormir beaucoup. Il y a un temps. Et chaque chose là, hein? Chaque chose qui dépasse sa limite, chaque chose qui fait à l'accès, ben, il ramène l'effet contraire. Mais quand les choses sont faites comme il se doit, il ramène l'effet louable. Mais quand ça dépasse les limites, ben, c'est normal qu'il y ait un effet secondaire. Dans tout. Dans la bouffe, dans le sommeil, dans le fait de parler et dire n'importe quoi, et ainsi de suite. Dans tout, akhal islam. يقول الشيخ أصول مفسدات القلب خمسة: كثرة المخالطة والأماني وفضول الكلام والشبع يعني دائما، وكثرة النوم، وهذا الذي قاله صحيح وقد شرحه ابن القيم وبينه رحمه الله. Et donc les fondements des choses qui font mal au cœur de la personne sont cinq. Le mélange avec les gens pour se mélanger, pour avoir des connaissances. L'amani, le fait de rejeter les actes que tu dois faire maintenant, tu le rejettes à plus tard, à je ne sais pas quand. Parler pour dire n'importe quoi. Et le fait d'être rassasié tout le temps. Et le sommeil, le fait de passer son temps à dormir. Tout ça fait. Ce qui nous intéresse ici, dit cher, ce sont deux choses. Yahumuna min humatnan, l'oula, minha l'amani. وهي التسويف ووصيتنا هذه بترك التسويف وترك الأماني وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والأماني بحر لا ساحل له أخ الإسلام اللي هي la première c'est l'amani, le fait de repousser tout au devant. Hein? Tout repousser. Je vais faire tout. Plus tard. Et il repousse les actes. Il dit, notre conseil, c'est délaisser le fait de repousser les actes. Délaisser. Tu délaisses cette situation-là. Et le fait de voir que tu as beaucoup de temps en face de toi, il faut que tu le coupes court à ça, parce que tu ne sais pas. Il a été rapporté dans le hadith, ce hadith, il est faible. Mais Cheikh ici, il le rapporte, il le prend comme compagnon, parce que le sens est bon. Son sens est bon. Mais le hadith en lui-même, Cheikh Nasser dit que c'est un hadith faible. Le kayis, celui qui sait bien faire les choses et qui est doué de raison, c'est celui qui fait les comptes avec lui-même et qui œuvre pour l'au-delà. Il est incapable, c'est celui qui suit ses passions. Et qui projette ses projets dans le temps. Je vais faire, bientôt je ferai, plus tard je ferai une salle. Là, c'est l'incapable. Mais le kayis, celui qui est doué de bonnes raisons, c'est celui qui fait des comptes avec lui-même et qui œuvre pour après la mort. L'autre qui est incapable, c'est qui suit ses passions. Et qui, ses actes, il les projette dans l'avenir. Comme s'il a la clé de l'avenir dans ses mains. Et le fait, la projection des actes dans l'avenir, ce qu'il amène, ça c'est un océan qui n'a pas de côte, il n'y a pas de rive. C'est vague. Hein? Jamais t'arrives à ta limite. Chaque fois la personne, il projette pour demain, et après il reprojette, il savait, il rejette, tout le temps il va repousser, etc. Il n'y a pas de limite. Et c'est une porte qui est très dangereuse. يقول الشيخ من الناس من يتمنى خذ مثلا من الشباب من يتمنى أن يكون طالب العلم يتمنى أن يكون فاهما للعلم لكن متى تبدأ بجد يقول سأبتدئ متى بعد الاختبارات منهم من إذا أتت العطلة قال أول عطلة ننشغل بها ثم بعد ذلك في منتصفها في آخرها إلى آخر ذلك يعلل النفس بالآمال يعلل النفس بأنه سيعمل ويعمل وينقضي العمر وتنقضي زهرة العمر وهو الشباب ولا يحصل شيئا Et les des gens qui espèrent et qui font des projections dans le temps, je vais faire. Prends par exemple la jeunesse et les jeunes. Certains veulent être des demandeurs de science. Certains veulent être des gens qui comprennent la science, mais quand est-ce qu'ils vont commencer avec sérieux et acharnement à l'apprentissage? Il se dit, hein, je vais commencer. Quand? Après les, par exemple, si c'est un étudiant, il dit après les examens. Si c'est hein, quelqu'un qui travaille ou quoi que ce soit, ou là, il se dit des fois, par exemple, si ça arrive dans certaines régions, je crois que chez vous c'est la même chose, disent, on attend l'été, car l'été, nos frères qui font leurs études à l'université de Médine vont venir, on va commencer avec eux, avec sérieux, les tombes de Médine. L'année arrive, les frères, ils arrivent. Hein? Je te parle de cas qui sont vécus comme ça. Ils arrivent, ils apprennent avec un mois. Ils sont 15 au départ au 20. La première quinzaine. La deuxième quinzaine, la deuxième semaine, ils sont 10. La troisième, ils sont 3. La quatrième, il ne reste que le frère qui enseigne, qui vient tout seul. Et pourtant, ils ont attendu. Ils ont projeté dans le temps. Hein? Et certains, moi je connais des personnes, ça fait 9 ans, qu'ils disent que l'été, on va apprendre, on va se mettre au sérieux, on va apprendre, on va me faire un salaire à notre frère qui vient de Médine, pour que l'été, il ne travaille pas, il ne s'occupe pas de ça, il ne s'occupe que de nous pour apprendre l'arabe et pour apprendre, etc. 10 ans après, ils sont toujours au 10e cours du premier tome de Médine. Et je parle de réalité. Tout ça, question, ça ou pas, nous allons faire plus tard. 10 années passent, 10 fois plus que ça passe. Donc, et on se donne des raisons. Je vais faire, l'été passe, l'hiver arrive, l'autre été arrive, l'année d'après arrive, on n'a rien fait. Le problème, il est où, le hic? Nous. Parce qu'au lieu de faire très attention à ça ou pas, et à ses projections dans l'avenir, et de stopper ça, on s'est endormi dedans. Hein? Et on a continué à... Vas-y. Et le temps passe. Et tout ce temps qui passe, plus tard, chacun va le regretter. Parce que ce que tu n'as pas fait quand tu avais 20 ans, 24 ans, 25, dis-toi bien qu'à 30 ans, tu as d'autres préoccupations à faire et d'autres choses à faire. Donc, ça va être toujours une gêne. Même si tu prends sur toi et tu fais, tu vas sentir la lourdeur du temps que tu as perdu. Pour l'instant, tu ne sens pas, parce que tu as encore la force de l'âge, tu as 20 ans, 25 ans, etc. Et dis-toi bien, quand tu arrives à la trentaine, tu vas comprendre ta douleur, ce que c'est. Si tu te ressaisis, si tu ne te ressaisis pas à l'âge de 30 ans et que ça arrive à la 40 ans, tu verras à ce moment-là comment tu vas être dans ces cas-là. Hein? Donc, il faut se ressaisir, frère Allah. Il faut saoufa, et ses projections dans l'avenir, et rejeter les actes, sors de là. C'est une mauvaise impasse. Ça n'amène nulle part. Ça ne donne aucun résultat. Perdre du temps. Et Allah, il te demandera des comptes sur le temps. Tout un chacun de nous lui sera demandé des comptes. Hein? Maintenant, tu es libre, tu as l'esprit libre, tu peux apprendre encore. Dis-toi bien, hein? Dès que tu as la femme, tu es deux. Donc tes problèmes deviennent deux. Et dès que tu as les enfants, trois, sinon quatre, sinon cinq, et les problèmes commencent à s'accumuler. Et il est des plus belles images que l'un de nos plusieurs a donné. Il a dit, en ce qui concerne celui qui veut demander la science, c'est-à-dire celui qui prend le large, hein? Celui qui se marie a pris le large. Et celui qui a des enfants, sa barque s'est trouée. Et quand la barque s'est trouée, qu'est-ce qui arrive quand tu es au fin fond de la mer? Glou, glou, glou, glou, glou. Hein? Donc il faut faire très attention. Le temps, il est pour nous, là, il est contre nous, à l'islam. Il ne faut pas jouer avec. Hein? Saisis-le, tant que tu sais, tant que tu as la jeunesse, tant que tu es frais, tant que ton esprit, parce que quand tu es jeune, tu peux mémoriser, tu as une force, tu as des capacités, que tu n'auras pas quand tu auras 40 ans. Hein? Donc il faut que tu profites de ce printemps de ta vie, et ce printemps où tu as tout, hein? Tu as toutes tes facultés, etc., et tu peux. Avant que ce soit trop tard. Faire le cheikh, As-sababu afsada iradatahu bil aman al batila. Man iqtana'a shay'an falyakhshahu fawran. Falyakhshihi fawran. Akhi, viens ici, venez, ne t'assois pas devant la porte, viens, il y a de la place. Inch'Allah, barakallahu fik. Idha iqtana'ta bi annaka turidu an takuna talib al 'ilm, faltabda' fawran. La cause, frère mon Allah, Azza wa Jal, c'est que cette personne, il a fait des fausses projections. Donc il a perdu sa jeunesse. Je vais faire, le temps est passé, il n'a pas fait. Donc il a fait des fausses projections. Donc celui qui est convaincu de faire quelque chose, il veut être demandeur de la science, ou là, il faut qu'il le fasse tout de suite. Ne projette pas. Parce que tu ne sais pas si tu vivras jusqu'à ce moment. Hein? Tout de suite. Tu veux être demandeur de science. Tu veux apprendre l'arabe. Tu veux apprendre. Bah, tout de suite, tu mets. Prends les choses sérieuses et tu t'y mets tout de suite. Va pas, ne projette pas. Parce que tu ne sais pas si tu vas vivre. Hein? Jusqu'au temps sur lequel tu fais des projections. Qui te donne la garantie que tu vas vivre jusqu'à ce moment-là? Personne. Donc tout de suite, prends sur toi et sois sérieux et prends ta ferme résolution et bismillah tawakkal Allah. Ba'dun nas yuridu an yakuna muti'an ya'lam annahu ala ma'siyah wa ala dhanb ou mufarrita bi wajib min wajibat Allah. Mata tatoub, mata tunib, certaines personnes, parmi la jeunesse que tu vois, hein, et ils veulent être obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent qu'ils sont dans la désobéissance, ils savent qu'ils font mal les choses. Ils savent qu'ils sont négligents, qu'ils n'accomplissent pas les devoirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce que tu vas te repentir? À quel moment tu veux te repentir? Yaqul, intadir, shahr, shahray, hatta antahi. T'entahi min mada? Hein? ثم بعد ذلك اصحح العمل صحح الطريق انظر الى نفسي واحاسبها محاسبه جازمه نوع من الاماني وهي من مفسدات القلوب. Et certains jeunes, ils veulent obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi ils projettent dans le temps. Quand est-ce que tu veux te repentir? Attends, dans un mois ou deux. Ah, il va te dire, bah attends, là maintenant, c'est bientôt Ramadan, je vais prendre comme occasion Ramadan. Qui te dit que tu vas vivre jusqu'à Ramadan? Dans un mois, je vais juste terminer quelque chose. Et qui te dit que tu vas arriver à ce moment que tu es en train de projeter? Vas-y, tu veux être obéissant, tu veux revenir, tu veux faire. Tu sais que tu es dans le mal? Reprends-toi tout de suite, n'attends pas. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver tout à l'heure. Hein? Dis, attends, dans un mois, dans deux mois, attends juste un petit truc. Et après ça y est, j'en finis avec ces histoires-là. Et je prends le chemin. Là, il y a Khalis. C'est obligatoire pour toi que tu prennes les choses au sérieux tout de suite. Que tu fasses des comptes avec toi-même. Parce que le fait de projeter dans l'avenir, Ça, c'est des choses qui font du mal au cœur de la personne. Ça tue le cœur de la personne. التسويف سوف عادي من أعظم الأسلحة التي تفتك بالناس. التسويف le fait de dire je vais faire et de projeter, ça c'est l'une des plus grandes armes qui tue les personnes, qui détruit les personnes et qui fait du mal aux personnes. Le fait de repousser à plus tard. من الناس من يعلم أن أهل بيته بحاجة إلى توجيه بحاجة إلى إصلاحهم بحاجة إلى النظر في أحوالهم. ولكن متى يبتدي؟ يقول الآن عندي مهمات وعندي كذا وعندي كذا. إذا ابتدأت العطلة يقول الشيخ كما نسمعها كثيرا سأسافر معهم وسأبدأ في نصحهم وأضع لهم درسا وأوجه وأبدأ معهم في السيرة أو أبدأ معهم في دراسة لبعض كلمات السلف الصالح أو في جلسات مختصرة مع الأهل أو الأولاد أو الإخوان لا غير ذلك. فيمتد به الزمن ويأتي الشاغل تلو الشاغل وهو في أمان لا حصل ما يريد ولا هو انتبه إلى غلطه مع نفسه. شيخ دو ندير لي دي جون كي ساف كو لي جون دو سا فامي اون بيزوان كي سوكيب دو اي كي لي ايدوك سو سوا لا فام لي انفون اي كي ils ont besoin de ces orientations. Ils ont besoin qu'ils les réforment un peu, qu'ils les orientent dans le bon sens et qu'ils regardent un petit peu leur situation. Hein? Mais quand est-ce qu'il commence? Il se dit, j'ai des préoccupations maintenant, j'ai ceci, cela. Mais dès que les vacances arrivent, je vais voyager avec eux et je vais commencer. Hein? Je vais voyager avec eux et je vais commencer à leur prodiguer des conseils. Je vais instaurer un cours dans lequel je leur donne des conseils, je les oriente. Je vais commencer avec eux la biographie du prophète. Et je vais commencer à étudier avec eux certaines paroles de ne plus être d'Allah alim. Ou je vais avoir des petites assises très brèves, très courtes, avec la famille, avec les enfants, avec les frères, et ainsi de suite. Et le temps, il passe, et ça le repousse. Il projette tout. Et il y a préoccupation qui le pousse à une autre préoccupation, à une autre préoccupation. Et ouah, il projette tout, ce qu'il doit faire vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses enfants, etc. Il le projette tout le temps dans le temps. Bah, il n'a rien obtenu. Et il n'a pas fait attention aux erreurs dans lesquelles il est. Et il a perdu son temps avec Saoufa. Hein? Et ceci est très dangereux, frère Allah Azza wa Jal. Et ça, chacun de nous doit faire très attention à ça. Et ça, tout un chacun de nous, c'est la situation dans laquelle il est. Et tout un chacun de nous, il doit regarder. Hein? Parce que c'est toi le responsable, frère Allah Azza wa Jal, de ce temps que tu perds avec le fait de projeter tes actes dans l'avenir. Personne ne va te dire être d'une utilité quand tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala et quand il te posera des questions sur ce temps que tu as perdu à l'islam. كذلك في باب الأمان أمان الخير أمان الإصلاح أمان هداية الناس إلى الحق والهدى على مستوى المجتمع وعلى مستوى الأمة. من الناس من يقول سواء كانوا أفرادا أو مجموعات أو جماعات سنعمل وتمضي السنون ولا يعملوا شيء وربما عملوا شيئا غير محمود فيصححون ويقتنعون أن هذا الذي هم عليه ليس بجيد أو أن غيره أفضل منه أو أنه خطأ فيتمنون الأمان في الإصلاح وهم ماكتون على شهواتهم أو ماكتون على انقضاء أوقاتهم في غير الجد. من الله عز وجل aussi il y a des gens qui se disent ce soit en tant qu'individu ou là en tant que petit groupe, nous allons œuvrer, nous allons faire des bonnes choses, nous allons orienter les autres, nous allons s'entraider sur Dawa, sur l'enseignement, sur ceci, sur cela. Les années passent, les mois passent, ils font rien. Rien du tout. Ou peut-être, ils accomplissent des actes qui ne sont pas louables. Hein? Ils se convainquent que ça, c'était pas bien, et qu'il faut remédier au problème, et que il aurait fallu faire autre chose, c'était mieux. Et que ça, c'est une erreur. Et ils espèrent, ils projettent la réforme de ce mal qu'ils ont fait dans le temps. Mais ils restent sur ce mal et sur leur tentation. Et le temps, il passe sans qu'ils prennent réellement la situation au sérieux. Hein? C'est pour ça, quand certains prennent les décisions pour faire dawa, pour aider les autres, etc., pour l'enseignement, il ne faut pas pour repousser dans le temps. Il y a la ferme résolution. Vous avez la ferme résolution, vous œuvrez, vous donnez les moyens pour y arriver. Mais vous ne repoussez pas, parce que la chose qui ne s'acquiert pas maintenant, la chose qui devait se faire maintenant, et s'il est repoussé dans le temps, au moment où il va être fait, ce ne sera pas son temps. Ce sera le temps d'autre chose, mais il va concurrencer cette chose, donc tu vas être dans une situation où il faut faire le choix entre deux choses. Donc on ne retarde pas. Dès qu'on a la ferme résolution, qu'on veut faire quelque chose, on ne projette pas jusqu'à ce que celui-là s'allie avec nous, jusqu'à ce que tel il donne son avis. Ya Akhal Islam, Hada, tu vas attendre son avis. Peut-être que Hada, il a oublié. Hein? Et peut-être tu vas attendre son avis un an. Et un an, tu restes l'imali. Hein? Une année est passée. 365 jours. Hein? C'est énorme. Enfin, te suivre, c'est quelque chose de très dangereux. Te suivre, c'est le capital de ceux qui ont fait faillite à l'islam. Projeter ce qui doit se faire maintenant, le projeter donc plus tard, c'est faire faillite. Parce que tu perds ce temps. Hein? Tu perds ce temps, ce capital qui est le temps, tu le perds, tu n'as rien fait dedans, tu n'as rien gagné dedans. يقول الشيخ إذا اقتنعوا بهذا الشيء فالواجب أن يبادروا فالشباب وعمر الشباب هذا فرصة لا تعوض فقد قال التهامي رحمه الله في مرثيته لولده التي مطلعها حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بأرض قرار يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار قال بعد ذلك ومكلف الأيام ضد طباعها وتطلب في الماء جدوة نار وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار إيه حفظه الله تعالى quand ils sont vaincus, quand on est convaincu avec une chose, obligatoire c'est qu'on on accomplit la chose. Car la jeunesse, c'est une partie de l'âge hein, qui ne se remplace pas. Et c'est une occasion que tu ne vas plus avoir. 20 ans, ce n'est pas quand tu as 30 ans. Et quand tu as 40 ans, ce n'est pas comme si tu avais 30 ans. Et ainsi de suite. Donc, il faut le temps, tu ne le perds pas comme ça. Hein? Il ne te projette pas. Et Cheikh a cité un beau poème ici. Alors, tu as intérêt à prendre l'arabe pour pouvoir goûter à ce genre de belles paroles. Diel, لبيزير دو الله عليهم إيدي بويت نركل يدي لسون أغتنير إلى أن قال وتراكدوا خيل الشباب فإنما أعماركم سفر من الأصفار يدي دون على فان دو سو بوان يدي ونبو دو تا جنس tu dois l'utiliser, tu dois t'acharner à faire beaucoup de choses parce que ta vie n'est qu'un voyage. Hein? Nous l'avons vu, les cours sur le temps doivent être un leitmotiv pour nous, pour ne pas perdre le temps avec Saoufa. Je vais faire. Hein, et avec la projection hein, des projets dans l'avenir. يقول الشيخ لا بد من الجد الأمان لا بد أن تتحول إلى واقع منضبطة بضابط الشرع. Il dit, Cheikh, il faut prendre les choses au sérieux. Et ces espoirs hein, doivent se concrétiser dans la réalité. Ils doivent être réglés et conditionnés par la législation de Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا كان تم أماني في الخير والإصلاح على مستوى صغير وعلى مستوى كبير فلا بد من البدار البدار البدار. Et il dit, si on a l'espoir de faire des bonnes choses et des réformes, etc., sur une petite échelle ou là une grande échelle, Il faut accourir à les accomplir. Il faut accourir à les accomplir. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas repousser. وَالْمَرْءُ يُعَادِلُ الْفَتْرَةَ الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا أَنْ يَعْمَلَ شَيْئًا خَيْرًا يُعَالِجُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ فَتْرَةً لَا يَسْتَطِيعُ فِيهَا أَنْ يَعْمَلَ شَيْئًا. Il dit, l'être humain doit utiliser le temps qu'il a en face de lui, où il peut faire un bien, avant qu'on arrive à un temps où il n'aura pas l'occasion de faire quoi que ce soit. Maintenant tu peux. Qui te dit que demain tu pourras? Qui te dit dans 5 ans tu pourras? Hein? Mais maintenant tu peux. Donc tu dois courir. Pourquoi repousser? وَهَذَا مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُتَدَارَكْ وَلَا تُتْرَكَ الْأَعْمَارُ تَمْضِي وَأَنْ تُتْرَكَ الْأَوْقَاتُ تَمْضِي دُونَ نَظَرٍ. Il dit ça, c'est la situation à laquelle il faut remédier. Il ne faut pas laisser la vie, notre vie passer comme ça. Hein? Et que le temps il passe comme ça, sans le prendre en considération, sans... Hein? Analyser les situations, etc. Il faut analyser les situations, il faut œuvrer. Hein? Parce qu'après, plus tard, on le regrettera et le regret ne servira à rien du tout. Il dit le Cheikh, إذا نظرت في أحوال البيوت, إذا نظرت في أحوال المجتمع, وجدت أنواعا من الفساد, أنواعا من المخالفات, أنواعا من التفريط في الأوامر. هذا الله الجميع لما يحب ويرضاه وكل في بيته من طلبة العلم أو إمام مسجد أو مؤذن مسجد كل يريد أن يقوم بكذا ويريد أن يقوم بكذا وتمضي الأيام وتمضي السنون وهم في أمان وإذا عملوا شيئا فإنه ليس بعمل جاد ومقتنع أن العمل الذي عمله ليس بعمل جاد تنتظر إلى متى تنتظر إلى متى إيه الذي حفظه الله تعالى. Quand tu regardes la situation des maisons, des foyers, et quand tu regardes la situation des sociétés, tu vois, beaucoup de mal, et beaucoup de divergences avec les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et beaucoup de formes de négligence, où les gens, hein, où les personnes négligent les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, que Allah, subhanahu wa ta'ala, guide, nous guide tous vers la voie qu'il aime et qu'il agrée. Et tout un chacun, et chez lui, il voit ce qui se passe. Le demandeur de science, l'imam de la mosquée, le mouaddin, etc. Et tous veulent accomplir des choses chez eux. Mais quand est-ce que, hein, il commence? Et les années passent, les mois passent. Toujours l'espoir, toujours la projection dans le temps. Je vais commencer demain. Je vais commencer le mois prochain. Et combien, quand ils accomplissent des choses qui ne sont pas comme il se doit, hein, et ils sont convaincus que ce qu'ils ont fait n'est pas fait comme il se doit, hein, combien ils retardent, c'est le fait de remédier et de réformer. Ils attendent de quoi? Qu'est-ce qu'on attend dans ces cas-là? Quand on est dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on attend, hein? On attend que l'ange de la mort soit à la porte. C'est trop tard. C'est fini. يقول الشيخ هذه الأماني يجب أن تزال وأن تحول إلى حقيقة أن يحول الأمنية لأمنية الخير إلى حقيقة وإلى واقع يبدأ المرء في تنفيذه لأنك لا تدري إلى كم تعيش وإلى متى تعيش إلى أن تبلغ ما أمر الله إلى أن تبلغ ما أمر الله عز وجل بتبليغه وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. Elle dit, ces espoirs, ces projections dans le temps, il faut qu'on les enlève. Et qu'ils deviennent une réalité. Pas je vais faire, je fais. Il faut que ça devienne une réalité. Et que ces projections dans le temps, on fait maintenant que ça devient une réalité. Et que la personne doit commencer tout de suite à accomplir et à mettre en application. Car tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre. Et jusqu'à quand tu vas vivre? Est-ce que tu vivras jusqu'à ce qu'on transmette ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a ordonné? Est-ce qu'il t'a ordonné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou pas? يقول حفظه الله إن الاجتهاد في الدعوة يجب أن يكون على الفور والدعوة لا تكون إلا بتعاون على البر والتقوى فأصل الدعوة بالتعاون ومن الناس كما قد سمعت وعرض علي شيء من ذلك من الناس من يقول نريد أن نعمل ونريد أن نكون مجموعة تدعو إلى الخير، ونكون مجموعة يتعاونون على مستوى حارتهم أو على مستوى قريتهم أو إلى آخره. وتمضي الأيام هم في أمان، لم يحصلوا شيئا. لا بد من التسابق مع الزمن، لا بد أن تسعى وأن تبتدر نفسك، وأن تبتدئ بمن حولك، وأن تسعى في الإصلاح والخير، وأن لا تتمنى على الله الأماني، فالأماني مضرة. Il dit, Habibullah Ta'ala, il est aussi obligatoire de faire des efforts au niveau de la da'wa. Mais la da'wa qui se fait selon la science, pas la da'wa de l'ignorance. Hein? Bien comprendre les paroles du Cheikh. Obligatoire de s'entraider et de faire des efforts sur, au niveau de la da'wa, mais tout de suite, pas retarder, pas projeter dans le temps. Et la da'wa s'accomplit avec l'entraide. Une seule personne ne peut rien faire, mais il y a l'entraide de tout le monde. Chacun est un maillon dans cette chaîne. Hein? Et da'wa, ce n'est pas tout simplement celui qui est acheté sur une chaise qui donne le coup. Là, il y a l'islam. Da'wa, c'est plein de choses qui se lient entre elles. Hein? Et peut-être ceux qui sont derrière le rideau, et ceux qui travaillent dans le noir, ont plus de mérite que celui qui est sur la chaise des fois. Hein? Plus de mérite dans certaines choses qu'ils font. Hein? Et dans les choses qu'ils provoquent. Le fait qu'il provoque la réunion des gens, le fait qu'il provoque certaines fraternités et certaines unions de personnes, c'est très important. Et la da'wa, c'est un truc dans lequel on a besoin de tout le monde. Mais il est évident, tout doit être basé sur la science, et chacun doit rester à sa place. Imagine celui qui arrive à trouver, est-ce que sans une salle, tu peux faire da'wa? Celui qui a trouvé la salle, il a contribué à da'wa ou pas? Et ainsi de suite, vas-y. Tous les moyens, sont, toutes les choses qui vont nous amener à accomplir la da'wa, c'est un truc qui fait partie de la da'wa. Donc tout un chacun de nous œuvre sur le champ de la da'wa selon ses capacités et selon ce qu'il sait faire. Et ce qui a besoin de science, etc. Et la science doit être toujours, et la sagesse doit être les piliers de notre da'wa, Inch'Allah. Hein? Et donc, la da'wa a besoin de nous d'entraide. Une seule personne ne peut rien faire, mais a besoin de nous d'entraide. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, j'ai entendu, on m'a exposé des situations où les gens disent, nous voulons œuvrer, nous voulons faire des choses, nous voulons constituer un petit groupe du bien. Nous voulons être un groupe qui s'entraide sur le niveau de notre quartier, ou là sur le niveau de notre village, et ainsi de suite. Et il dit, les journées passent, les mois passent, ils n'ont rien fait. Ce ne sont que des espoirs qui restent là. Ils n'ont rien obtenu, ils n'ont rien fait. Il a dit, il faut faire la course avec le temps. C'est-à-dire, il faut utiliser le temps. Tu ne fais pas passer le temps comme ça. Hein? Il a dit, dans ces cas-là, tu as cours. Et tu commences par toi-même. Et par ceux qui sont sous ta tutelle. Ta femme, tes enfants, et ceux qui t'entourent. Et tu accours vers le fait de faire le bien et de réformer dans le sens du bien, et que tu ne fais pas, tu ne projettes pas des souhaits comme ça dans l'avenir. Car les souhaits dans l'avenir comme ça, les projeter comme ça, font du mal. Ils font partie, les amani font partie des choses qui font du mal au cœur, comme dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh et d'autres. يقول ولهذا نقول إن من رام شيئا من أمور الخير والصلاح فليبادر به قبل أن يفوت الوقت. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, c'est pour ça que nous disons que celui qui veut faire quelque chose de bien parmi les choses du bien et la réforme du bien, qu'il le fasse tout de suite avant que le temps ne passe. Il faut qu'il le fasse tout de suite avant que ça ne soit trop tard. يقول Hafidhahullah إذا نظرت الآن إلى الأحوال وجدت عندنا من المنكرات ومن المفاسد ما يزيد كل سنة بسنة كل سنة يزيد من انحراف الناس عن الحق والهدى ومن غشيان الباطل القلوب وإقبالهم على الشهوة خاصة شهوة المال والنساء أقبل الناس عليها دون حد يرحمك الله إذا si tu regardes la situation, هذا il parle de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'il en est de nous sur la Côte d'Azur? Hein? Il dit, tu vas regarder que le blâmable et les mauvaises choses, hein? Chaque année ils augmentent. C'est-à-dire, il le dit pour eux, non, c'est pas chaque année que ça augmente. Chaque seconde, oui, que ça augmente. Et le fait de perfectionner le mal ici, Le mal se fait à la perfection ici. L'art du mal. Hein? Certains disent l'art culinaire, Hadou. Ils sont dans l'art de perfectionner le mal. Hein? Chaque année. Hadou. Pour eux là-bas, pour nous c'est chaque instant. Hein? Chaque année, des gens déviés de la vérité. Chaque année, des gens tombent dans le mal. Chaque année, les gens, leur cœur se remplissent du mal. Chaque année, les gens, leur cœur se tournent et se remplissent. Ils s'orientent vers les tentations, surtout les tentations de l'argent, les tentations des femmes. Hein? Et les gens accourent vers ceci sans limite. Hein? Là-bas, où il y a les hommes de science, etc. Qu'est-ce qu'il en est de nos autres petits minus où il n'y a pas un homme de science, hein? Sur l'Europe entière, qu'est-ce qu'on va faire, hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala salam wa dit wa hada la budda lahu min islah yujabih dhalika yujabahu dhalika bih dhalika li anna lakin muqayyadun bid dawabit ash-shar'iyya. Il dit ça a besoin de réformes qui font face à ce mal, mais des réformes qui sont conditionnées avec les règles de la législation. C'est-à-dire pas des choses faites n'importe comment, mais des choses faites comme il se doit. Hein? Al-ibad law amilou la adraku. Faqad kana. Et il dit parce que les serviteurs, s'ils font, s'ils œuvrent, ils vont arriver. Si tu œuvres dans le bon sens, il n'y a pas de problème que tu vas arriver à un résultat. Hein? Même si toi, tu ne vis pas ce résultat, ceux qui vont arriver derrière toi vont en profiter de ce résultat. Ils vont vivre dans le fruit et que tu as semé. Le fruit du bien que tu as semé, eux, ils vont le récolter. Mais il y aura. فقد كان بعض الأدباء كتب كتابة في وسيلة من وسائل الإصلاح وبحسب نظري قال لما عرض واقعا يعيشه وقال عدم الرجال أو لم ينهض الرجال بواجبهم هل عدم الرجال فلم يجد أحد يقوم بواجبه الذي جعله الله جل وعلا على هذه الأمة أم أنه تم رجال لكن يتمنون الأماني إيه الذي حفظه الله تعالى certains littéraires ont écrit dans une revue de qui est un des moyens de la réforme. Et il dit, selon la vision de ce littéraire, quand il a vu la situation qui est vécue, il a dit, il n'y a plus d'hommes. Ou alors, les hommes n'accomplissent pas leurs devoirs. Et cherche de dire, est-ce que les hommes n'existent pas? Et qu'il n'y a personne qui accomplisse son devoir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a incombé dans cette communauté? Ou alors, il y a des hommes, mais qui projettent dans l'avenir, qui souhaitent faire ce qu'ils doivent faire maintenant, ils le projettent dans l'avenir. Et en réalité, il y a des hommes, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils projettent dans l'avenir. Donc, Tzwif. Et Tzwif, c'est la marchandise de ceux qui ont fait faillite. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam ala. Yaqul la shakka annahu awwalu darajat ma'rifat al-wajib. أن يتخلص من الأماني أن يتخلص المرء من الأمان il dit حفظه الله تعالى il n'y a aucun doute que le premier degré du fait de connaître les obligations c'est que la personne se débarrasse des projections dans le temps du fait de projeter ce qu'il va faire dans le temps et de le repousser هذا c'est la première connaissance des obligations et la prise des consciences c'est de se débarrasser du fait de projeter dans le temps et de repousser. Et qu'il fasse en sorte que ses journées et ses nuits passent dans les actes du bien et dans le fait d'accourir et d'accomplir le bien. Il dit, Hafidhahu Allah Ta'ala, car ce mal que vous voyez qui se propage maintenant, et ces formes du mal, et ces catégories du mal, il faut les blâmer. Il est obligatoire de les blâmer. Et il faut s'entraider dans la dévotion et dans le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour minimiser et pour réduire ce mal qui existe. Fayaqulu rahimahu Allah Ta'ala, al-wasiyatu al-khamisa. Al-iqlal min al-khilta. Le cinquième conseil qu'il donne, c'est le fait de diminuer tes fréquentations. de les diminuer. الإقلال من الخلطة أو الخلطة كما نصح ابن القيم رحمه الله لأن من مفسدات القلب الإكتال من الخلطة. Faut diminuer les fréquentations, hein? Comme il l'a conseillé ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, car les fréquentations font du mal, et les mauvaises fréquentations, et le fait d'avoir beaucoup de fréquentations, font du mal au cœur de la personne. C'est un des moyens pour que le cœur de la personne devienne mauvais. قال والخلطة نوعان نوع منها يفسد القلب ونوع منها يصله القلب. Il dit, et le وعليكم السلام ورحمة الله. الخلطة, le fait, la fréquentation, le fait de se mélanger aux gens, est de deux sortes. Il y a une qui fait du mal au cœur. Il y a une qui fait que c'est le cœur l'entretient. فأما التي تفسد القلب فهي أن يسعى في مخالطة الناس والكلام معهم في فضول المباحات وأحيانا بالمشتبهات أو بالمحرمات يعني يجب أن يكثر يحب أن يكثر الاختلاط يحب أن يكثر أن تكثر معارفه يحب أن يتعرف على هذا وهذا ويأتي مجلس هذا وينتقل من مجلس هذا إلى ذلك ويتعرف على 10 و20 و30 وهذه الكثرة في التعارف هي سبب لأن تتأثر بما عند أولئك لأن كل إنسان فيه خير وشر فإذا كان من يخالطه العبد عنده بعض الشرور فإنه مع كثرة الاختلاط لا بد أن يأخذ من هذا وهذا وربما اجتمعت عليه وهذه خلطة مدمومة. Il dit, رحمه الله تعالى, quant à cette خلطة, cette fréquentation qui fait du mal au cœur, la personne accourt à être avec tout le monde et à écouter la parole de tout le monde, même dans les paroles où c'est autorisé, mais tout simplement c'est qu'il faut, il veut être avec les gens, avec cela, et aussi il veut être avec eux quand il parle des ambiguïtés, quand il parle des choses qui sont haram, qui sont illicites, et il aime qu'il ait beaucoup de fréquentation. Il aime fréquenter beaucoup de monde. Il aime avoir beaucoup de connaissances. Il aime avoir beaucoup de gens, et qu'il connaisse beaucoup de gens. Il y a certains, leur téléphone n'arrête pas de sonner. Juste pour... Tu vois, ils se disent que des futilités. Hein? Pas bon, quand il y a l'intérêt, etc., quand ils ont des intérêts, soit religieux, soit de ce bon monde, il n'y a pas. Il n'y a pas de mal à ça. Mais le fait quand c'est pour rien du tout, et pour propager n'importe quoi, et pour dire n'importe quoi, ou des fois, la personne, elle aime être avec ce groupe-là, et il part de là, il a entendu les banalités, les futilités qu'ils disent, pour aller dans notre assise, et il aime être accepté par tout le monde, par ci, par là, pour être avec tout le monde, fréquenter tout le monde. Et il aime avoir dans son carnet d'adresses, et dans, hein, maintenant on leur assure, beaucoup de téléphones, beaucoup d'adresses, etc. Et il n'y a aucun problème. La fréquentation ainsi a un impact sur celui qui est ainsi. Il y a de l'influence à l'islam. Car dans chaque être humain, il y a le bien, il y a le mal. Et quand la personne avec qui tu es a du mal à l'islam, le fait de les fréquenter beaucoup, il n'y a aucun doute que tu vas atteindre, tu vas prendre d'eux, tu vas prendre un peu du mal qu'ils ont. Et peut-être que il va se réunir en toi le mal de toutes les personnes que tu fréquentes. Et ça, cette fréquentation est blâmée. Il est blâmable. Hein? Il n'est pas bon. Il ne ramène que du mal à la personne et à la personnalité de la personne, et il est d'une mauvaise influence sur lui. والقلب المتعلق بالله جل وعلا لا يأنس بالخلق كثيرا الا اذا كان في توجيههم او في ارشادهم وفي التعامل معهم على البر والتقوى اما هو فيكون مشغولا بربه جل وعلا عما سواه وفي الله جل وعلا شغل عما سواه et le cœur qui est lié à Allah subhanahu wa ta'ala ne trouve pas, hein, la compagnie chez beaucoup de gens. Tout simplement quand il les oriente, ou là quand il leur apprend quelque chose, ou là quand lui il apprend de quelque chose de bien, et quand, il y a le... quand ils s'entraident et se rencontrent dans la piété, dans le fait de réserver les droits de Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a beaucoup à faire, et le cœur a beaucoup plus à faire vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et vis-à-vis des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala que d'être lié à tel ou d'être préoccupé par les idées de tel, les idées de tel ou la compagnie de tel. عليكم السلام. فكثرة المخالطة سبب من أسباب فساد القلب إذا كانت المخالطة بحسب ما اتفق. Donc le fait d'avoir beaucoup de fréquentation, de fréquenter beaucoup de monde, c'est l'un des moyens pour faire du mal à son cœur. Et le cœur, il devient mauvais. C'est les fréquentations sont mauvaises. Hein? Ça amène le mal. Et regarde combien de jeunes, tu le vois, il était dans la droiture. Il était bien. Et il était avec une certaine compagnie, certaines fréquentations, qu'ils étaient bien, tranquilles. Et tout d'un coup, il a fait juste qu'il rencontre une mauvaise personne à un moment, et la personne a complètement, son esprit a complètement changé, et il a viré de l'autre côté. Parce que le compagnon, il est intime, et les gens que tu fréquentes, ont des fois l'effet de l'aimant. L'aimant, il tire. Hein. Ben, la même chose, des fois, ton compagnon Ada, il te tire aussi vers lui. Il t'influence. Il ne faut pas croire que tu n'es pas influencé. Loin de là, l'islam, c'est une nature humaine, tout à fait. Il y a des gens qui s'influencent très vite. Hein? Il y a des gens qui sont influençables avec le temps. Hein? Et ainsi de suite. Il y a ceux qui influencent, il y a ceux qui se font influencer. Hein? On est ainsi, à l'islam. Donc il faut faire très attention aux fréquentations. Parce que souvent les fréquentations, ils te font tomber dedans. Quand les fréquentations ne sont pas sûres, hein, la piété sur le fait de préserver les droits de Allah, subhanahu wa ta'ala, est sûre, hein, ne se fait pas sur l'apprentissage de la science, etc. Ben, il est évident que ça va t'amener vers quelque chose qui n'est pas louable. Hein, qui va t'entraîner vers quelque chose qui n'est pas bonne. Hein. القسم الثاني من أنواع المخالطة أما إذا كان العبد يخالط رغبة في الخير إذا حضر مكانه وتعرف على أحد فإنما يتعرف ويخالط لأجل تحصيل الخير ولأجل دفع الشر فهذه مخالطته محمودة وفيها صلاح لقلبه il dit la deuxième catégorie de du fait de la fréquentation c'est une fréquentation qui est louable tu fréquentes des gens par le fait de propager le bien en eux. Hein? Ou tu cherches la connaissance de quelqu'un pour apprendre le bien avec lui. Hein? Tu fréquentes pour acquérir le bien ou pour repousser le mal. Tu fréquentes pour acquérir le bien ou là pour repousser le mal, pour aider ces personnes à sortir du mal, etc. Ou là pour prendre conseil à ces gens-là pour t'aider à pousser le mal, hein? Etc. Et donc, dans ces cas-là, cette fréquentation, elle est louable. Et dans cette fréquentation, il y a le fait de purifier son cœur. وَقَدْ تَحْضُرُ مَجْلِسًا أَوْ مَجَالِسًا فَتَخْجَلُ مِنْ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَجْلِسِ خَيْرٍ وَهُدًى فَتُخَالِطْ وَرُبَّمَا شَعَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَا هُوَ مِنْ فُضُولِ الْمُبَاحَاتِ أَوْ رُبَّمَا مِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي ضَرَرُهَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهَا أَوْ مَا هُوَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الرَّاغِبُ فِي صَلَاحِ قَلْبِهِ وفي صلاح الآخرين أن يأخذ بهذه الوصية التي أوصى بها ابن القيم في أن يكون المرء مقداما في الخير يعني إذا حضر مجلسا فليبذل الكلام في الخير il dit حفظه الله تعالى peut-être que tu vas te retrouver dans une assise dans une fête dans un repas etc et peut-être tu te sens mal ou tu te sens gêné de parler d'ouvrir une discussion. D'une discussion que tu orientes vers un point de la religion ou là sur une sunna. Et tu restes dans cette assise. Et peut-être que dans cette assise, on va parler, on va dire des choses qui sont futiles et qui sont autorisées, mais qui vont ramener aucun bien. Et peut-être qu'il va être dit dans cette assise des choses qui vont... leur mal est beaucoup plus grand que leur bien. Ou, dans cette assise, sera dit des choses qui sont illicites. Donc, celui qui veut la pureté de son cœur et qui veut le bien pour les autres, il faut qu'il prenne ce conseil d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui a conseillé que l'être humain, il faut toujours qu'il accourt, qu'il soit au-devant du bien. Quand il est dans une assise, Il faut qu'il commence toujours à ouvrir la porte du bien, attirer les gens sur, sans faire de cours, sans faire de quoi. Mais tu tires la discussion vers quelque chose qui va leur être utile. Tu sais tous les détails au niveau, par exemple, prends un exemple, tu es de zone assise. Tu n'es pas quelqu'un qui a la parole facile, mais tu sais tout ce qui concerne le masah sur le roufain. Tu le maîtrises. Sans faire de cours de si, rien qu'en posant la question, il va dire, et la discussion, au lieu qu'il tourne sur n'importe quoi, va tourner sur quoi? Sur un acte de la religion. Évident, il faut que tu maîtrises. Comme ça, quand il faut, tu ramènes et tu donnes les argumentations, etc. pour que tout le monde, si t'assises, on va sortir avec quoi? Beaucoup de gens ne savent pas les règles d'Yel Masih. Beaucoup de gens même ne savent pas que le Masih fait partie de la Sunna, etc. Et si tu le maîtrises, et même si tu ne sais pas faire une conférence dessus, mais tout simplement, c'est avec une question. Tu la poses à tout le monde. Et après, tu vas voir. Chacun va donner son avis. Et après, toi, tu rectifies après. Et là, tu passes. Tu peux passer beaucoup de temps sur tous les aspects d'Yel Masih. Et tu vas voir les gens, tous ils vont sortir et les gens acceptent. Fait de cette façon, les gens acceptent la vérité et acceptent l'enseignement venant de cette façon parce que tu le fais participer, yak, et en même temps chacun il dit, et après chacun il rectifie. Hein? Et tu vas entendre quelqu'un, il va t'en dire, j'ai entendu tel cheikh dire ceci, etc. Il a soutenu ça, etc. Au lieu que la discussion commence à démarrer sur n'importe quoi dans l'assise. Et ça, c'est celui qui agit ainsi, c'est quelqu'un qui veut le bien pour son cœur et qui veut le bien pour les autres. Fayaqul al-Sheikh, idha nadarta ila al-majalis, rubbama tahdur matalan fi walima, fi azima, tahdur fi liqa' ma'a unas ila akhirih. Talhad anna an-nas يبدأون ويتكلمون في موضوع ثم تمضي مدة وهم يتكلمون في ذلك الموضوع فإذا ابتدأت أنت بالكلام في موضوع ما فإنه غالبا ما ينشغل الناس بتحليلات ذلك الموضوع مدة من الزمن يكون فيها الخير وفيها التوجيه والدعوة والصلاة quand tu regardes aux réunions des gens quand ils se retrouvent un mariage une invitation مهم un événement où ils se trouvent où les gens se trouvent beaucoup hein? Tu vois, les gens, quand ils se rencontrent entre eux, beaucoup, tu observes que les gens commencent à parler. Chacun, il démarre un sujet. Un, deux, trois, là, etc. Toi, maintenant, si tu lances un sujet à tout le monde, hein, tu vas les préoccuper les gens avec quelque chose qui a rapport avec leur religion et qui va leur ramener un bien. Et en réalité, à la fin, tout le monde va sortir avec des choses qu'il aura retenues des choses. Parce que sur ce sujet, tout le monde va essayer de détailler le sujet, d'essayer d'analyser. Hein? Et ça va durer peut-être toute la soirée. Et peut-être même sortant de là, tu auras gagné, les gens ont gagné, vous n'avez pas terminé ce sujet. Hein? Et ça, il y a quelque chose qui est très bien au niveau du dawa, au niveau de la réforme, au niveau du faire, du fait d'accomplir le bien. Hein? كذلك فإن الذي يجب على الذي يسعى في صلاح نفسه وفي صلاح غيره أن يكون مقداما في الخير. Aussi, il est obligatoire pour celui qui veut le bien pour lui-même et qui veut le bien pour les autres, il faut que ce soit quelqu'un qui accourt vers le bien. Seul premier à accomplir le bien. يأتي الشيطان كما قال ابن القيم بأحبولته التي قليل من يجو منها فيقول إذا تحددت أو إذا قلت فإنك تريد الشهرة أو تريد أن تذكر أو تريد أن تصرف وجوه الناس إليك ونحو ذلك قال فإذا أتى بهذه الأحبولة فتعوذ بالله عز وجل منها وتوكل على الله عز وجل واجعل مخالطتك ومجالسك في خير وهدى وإرشاد الخلق إلى ما يحب إلى ما يجب عليهم أو إلى ما ينبغي أو ما يجب أن يحذروه إيه الذي حفظه الله تعالى quand la personne veut œuvrer pour le bien là Shaitan il vient comme il a dit Ibn al-Qayyim al-Juzayni rahmatullah alayh il lui ramène des filets pour le faire tomber dedans et ces filets en général peu de gens échappent au filet de Shaitan dans ces cas-là Shaitan il vient et lui commence à lui dire dans son esprit Si tu parles, c'est parce que tu veux être réputé, tu veux être connu. Tu veux qu'on te cite, qu'on parle de toi. Tu veux que les gens te regardent, et ainsi de suite. Ibn al-Qayyim de dire, quand il vient vers toi avec ce filet dans lequel il veut te faire tomber, cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du shaitan, et fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, et commence au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et fais que le fait que tu sois avec les gens, le fait que tu sois mélangé aux gens, il faut que tu fasses de tes assises, de tes réunions avec les gens, une réunion de bien, une réunion vers laquelle tu orientes les gens, vers les choses qui vont faire ton bien, et qui vont faire leur bien. Hein? Et d'attirer leur attention sur les choses qui leur sont obligatoires, et d'attirer leur attention sur les choses qui leur sont interdites. إذن المخالطة هذه يجب أن تصنف نفسك معها إلى أي درجة تخالط وما هي مخالطتك. Le fait de fréquenter les gens, il faut que tu fasses la part, il faut que tu fasses la part des choses avec toi-même. Jusqu'à quel point tu vas fréquenter? Jusqu'à quel point tu vas fréquenter? Et c'est quoi les fréquentations que tu cherches? Poussez-vous un petit peu, barakallahu. Et qui tu vas fréquenter? Ba'dun nas ya'rif mi'a, mi'atain, masha'Allah. Wa ba'dhum ya'rif akthar aw aqal. Wa yadhunna anna kathrat al-ma'arif hadi wa kathrat ityan hada wa hada annaha aslahu lil-qalb. Wa hiya laysat kadhalik. Certaines personnes connaissent peut-être 100 personnes, peut-être 200 personnes dans leur répertoire. Hein? Masha'Allah, 200 personnes des voix. Hein? Et certains connaissent plus, certains moins. Et ils croient que le fait d'avoir beaucoup de connaissances, ceci est un bien pour son cœur. Et ça ne l'est pas, l'islam. Ce n'est pas ainsi. Fasalahul qalb biqillatil mukhalata. Le bien du cœur se fait avec le peu de fréquentation. Parce que le peu de fréquentation, tu vas les choisir. إلا ما كان بمخالطة في أمر بمخالطة في أمر بالمعروف ونهي عن منكر أو في علم أو دعوة أو خير أو فلاح. Sauf les grandes fréquentations qui se font pour dawa, pour l'apprentissage de la science, pour le fait d'ordonner le bien, de blâmer le mal. Mais dans le grand nombre, ça gêne rien, parce que là, il y a un bien, il y a un intérêt. فهذه المخالطة محمودة. Le fait d'être beaucoup mélangé au niveau de dawa, etc. et de l'amr, il est louable. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salli Allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsan Allahu lakum wa jazakum Allahu khairan.